C'est embêtant si elle travaille à French Pod. Ou alors, on peut par exemple dire ayant mangé tout l'après-midi, le soir venu, il n'avait plus faim. D'accord. Donc le juge continue son explication ensuite. La plaignante, donc Madame Jacour, a porté plainte. Quand est-ce qu'on porte plainte en fait ? On porte plainte suite à une oppression, à une agression, à un méfait qui a été commis envers nous. Et tu cites le mot méfait là maintenant, qui va revenir un peu plus tard. C'est quoi un méfait ? Un méfait, c'est un acte de malveillance, une action illégale. D'accord. Donc on est toujours dans l'explication du juge. Elle fait intervenir une autre personne dans son explication, qui est le témoin. Madame Jabert. La concierge. La concierge. Alors, qu'est-ce que c'est une concierge, Amaury ? Donc, un concierge, c'est une personne qui vit dans un immeuble, souvent au rez-de-chaussée, et qui s'occupe de l'entretien des lieux, mais aussi qui surveille les allées et venues des résidents, et qui s'occupe de leurs courriers. Et donc, c'est encore très typique en France. Et donc, en fait, une fois l'énonciation des faits terminée, on voit quand même que le prévenu, Monsieur Leblanc, a beaucoup de preuves contre lui. Puisqu'on a retrouvé ses empreintes en maint endroit chez la plaignante. Oui, le mot empreinte, en fait, sous-entend empreinte de doigt. D'accord. Et en mains endroits, main, c'est un mot plus sophistiqué pour dire plusieurs endroits. Et en plus, il avait un double des clés, donc c'est encore un élément qui est contre lui. Exactement. Alors, il essaie de s'expliquer quand même. Ben oui, il va se défendre. Alors, il expose sa version des faits et il dit qu'il allait entamer la lecture d'un roman d'Hercule Poirot. Alors, le mot entamer, c'est un mot pour dire commencer et c'est aussi un peu plus sophistiqué. Employé dans des contextes plus soutenus aussi. Là, on se trouve dans un tribunal, donc c'est parfaitement adapté. Ouais. Et il dit un roman d'Hercule Poirot. C'est les romans d'Agatha Christie, c'est ça ? Ouais, c'est bien ça, Christella. Je sais pas s'il a employé exprès dans son argumentation ici, car Hercule Poirot, en fait, c'est un détective. C'est un des personnages principaux des romans d'Agatha Christie, qui avait donc pour sujet de prédilection les crimes et les meurtres. Et tu as déjà lu un de ces romans, Amaury ? Ouais, et en fait, ils sont tout à fait passionnants parce qu'il y a toujours des intrigues très compliquées. Donc moi, j'adore. Il continue d'expliquer les faits comme ils se sont passés selon lui. Et il dit « Je me suis permis de m'introduire chez elle ». Alors pourquoi il dit les choses comme ça ? Pourquoi il dit pas tout simplement « Je suis entré chez elle » ? Parce qu'en utilisant cette phrase, il montre bien qu'il respecte sa voisine et qu'il ne lui ferait jamais de mal. Donc il s'est permis de s'introduire. Dans le sens où il n'osait pas vraiment, mais là la situation le demandait, elle exigeait, donc il l'a fait. Exactement. D'accord. Alors ensuite, le juge parle de l'observation qui a été faite par Madame Jabert, et le juge dit, je cite, les dires de Madame Jabert. Ouais. Donc les dires, c'est un mot qui signifie les propos, les paroles, et c'est aussi un mot qui est un peu plus sophistiqué. Et évidemment, il continue sa défense, il n'est pas d'accord, puisqu'il dit, mais elle se méprend. Donc elle se trompe. Exactement, ouais. Puisque s'il a fait ça, c'était pour éviter de tomber nez à nez avec quelques voleurs. Donc on se retrouve avec cette fin de phrase, tomber nez à nez avec quelques voleurs. Comment on peut expliquer en fait nez à nez cette expression ? Alors je trouve que c'est une expression figurée extrêmement visuelle, dans le sens où on voit bien nez à nez. C'est vraiment une expression qui veut dire se retrouver confronté par surprise à quelqu'un. Et dans ce contexte-là, ça aurait été une mauvaise surprise. D'accord. Puisque ça aurait été avec un voleur. Oui, là, comme tu l'as dit, donc avec quelques voleurs, c'est un synonyme de avec un voleur. Et voilà, donc il termine son argumentation. Mais le juge n'a pas l'air vraiment convaincu. Elle dit donc à Monsieur Leblanc que tout le monde a pris note de son plaidoyer. Plaidoyer, sa défense, son argumentation. Qui est prononcée généralement devant un tribunal pour défendre une cause. En l'occurrence, pour défendre sa cause ici. Oui, et donc il va rester en détention provisoire jusqu'à sa prochaine comparution. Donc en effet, ils vont le garder en prison. Ici, le pauvre, il est toujours suspect, parce que le procès n'est toujours pas terminé. Le pauvre Monsieur Leblanc, il n'est pas sorti d'affaire. Si on écoutait le dialogue encore une fois. D'accord. Accusé, levez-vous. Nous nous trouvons aujourd'hui au sein de ce tribunal pour juger le cas de Monsieur Pierre Leblanc, qui a choisi d'assurer lui-même sa défense. C'est bien cela, Monsieur Leblanc ? Tout à fait, Madame le juge. Rappelons brièvement les faits. Le samedi 8 septembre 2007, aux alentours de 20h selon le rapport de police, un cambriolage a eu lieu dans l'appartement de Madame Jacour, votre voisine de palier, qui ne se trouvait pas à son domicile, s'étant absentée pour le week-end. Précisons que Madame Jacour vit seule avec ses deux chats, ayant divorcé de son mari voilà 5 ans. Jusque-là, je suis d'accord. Madame Jacour porte plainte contre vous suite à la disparition d'une bague en or massif qui se trouvait cachée dans un étui posé tout en haut de sa commode. Or, il se trouve que vous avez été aperçu rôdant près de sa porte vers 20h selon les témoignages de la concierge Madame Jabert ici présente et que vos empreintes ont été retrouvées en mains endroits chez la plaignante.